Hello, coucou, bienvenue d'eau sur le podcast Exhorter les Saints, destiné aux chrétiens qui aspirent profondément à une vie chrétienne glorifiant Christ. Bienvenue sur ce nouvel épisode Exhorter les Saints. Je suis vraiment heureuse d'être là et de partager avec vous sur le thème de l'épreuve. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler à quelqu'un. J'aimerais m'adresser à toi qui traverses une épreuve vraiment difficile et tu ne vois pas le bout du rouleau. Tu as l'impression de te vider de toutes tes forces, tu te sens perdu. Tu es comme, je ne sais pas, dans une obscurité totale et tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Ce podcast est vraiment pour toi et il va te faire du bien. Je pense que le Seigneur a pour toi des paroles qui vont t'apaiser, qui vont te donner la force d'aller de l'avant. Amen. Avant toute chose, j'aimerais poser un fondement en te rappelant ceci. Si tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur personnel, sache que ta vie lui appartient. Ta vie vraiment lui appartient et il a le contrôle de toute chose de ta vie tant que tu les lui as données. Avant de penser à ce que tu dois faire pour que les choses changent, pour que tu te sentes mieux, tourne les yeux vers lui. Peut-être que tu me diras, Laurore, tu ne sais pas à quel point j'ai prié, je ne fais que ça, je ne fais que me tourner vers Dieu. Et c'est correct, c'est même très bien. Mais laisse-moi te poser quelques questions, permets-moi de te poser quelques questions et réponds-y sincèrement avec ton cœur. Est-ce que tu fais vraiment confiance? Tu fais vraiment confiance à celui à qui tu as donné ta vie? Est-ce que tu fais vraiment confiance à Jésus-Christ? Sans que le doute ne vienne ronger cette confiance, sans que tu ne penses à l'aider d'une façon ou d'une autre, sans que tu ne lui proposes des solutions ou des alternatives, quand il te demande de faire quelque chose, est-ce que tu ne lui proposes pas des choses que tu penses être mieux? Est-ce que tu t'attends vraiment à lui? Est-ce que tu acceptes qu'il agisse comme il le veut, quand il le veut, comment il le veut, de manière souveraine? J'aimerais vraiment que tu prennes le temps de répondre en méditant sincèrement et en demandant à Dieu de te révéler le fond de ton cœur, que tu sois en train de te rendre compte des limites de ta confiance, là, face aux questions que j'ai posées, ou que tu as donné un grand oui à toute cette question-là. J'aimerais te rappeler que ton Père Céleste, celui qui t'a formé dans le sein de ta mère, il t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma sœur. Dieu t'aime. Déborah, Dieu t'aime. Maryse, Dieu t'aime. Martin, Dieu t'aime. Outre le fait qu'il a envoyé son Fils unique à la croix pour te sauver, bien que tu ne le méritais pas, je te propose de te rappeler de toutes les grâces dont tu es bénéficiaire au quotidien. Tu as le souffle de vie, alors qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas respirer sans assistante, ou d'autres qui ne sont même plus de ce monde. Tu peux marcher, il y en a qui n'ont pas cette grâce-là. Tu peux parler, certains ne peuvent plus parler. Tu peux entendre, tu sais très bien que certains ne peuvent pas le faire. Tu es indépendant. Tu peux te lever, faire des mouvements de toi-même. Le simple fait de pouvoir aller te chercher de l'eau à boire est une grâce que quelqu'un n'est pas. Il y a quelqu'un qui est dépendant d'autres personnes même pour bouger dans son lit. Tu es en santé, alors qu'il y a quelqu'un qui donnerait tout l'or du monde pour avoir la santé que tu as. Tu peux te nourrir, tu peux vivre librement dans un pays par exemple où ta liberté de religion est respectée. Des millions de chrétiens dans le monde sont persécutés à cause de leur foi et ils meurent, on les tue comme s'ils étaient, je ne sais pas, comme s'ils étaient des animaux. On traite les chrétiens comme des moins que rien. La parole des chrétiens est la moitié de celui des gens d'une autre religion. Il y a des gens qui n'ont pas la grâce que tu as dans un pays où les gens mangent à leur faim. Peut-être que tu es dans un environnement où les gens sont aidés. Il y a quelqu'un quelque part qui cherche de l'eau potable à boire. Et toi, tu n'as juste qu'à ouvrir un robinet pour boire de l'eau potable. Toutes ces choses-là sont des preuves que Dieu t'aime. Sont des preuves que ses bontés se renouvellent pour toi chaque matin. sont des preuves qu'il est là à tes côtés et qu'il œuvre dans ta vie, même si tu ne le sais pas. Pourquoi avoir fait ce détour-là? C'est pour te dire que même si ta situation est la plus noire du monde, il y a au moins un point positif dedans, une petite lumière là, quelque chose de bien dans ta situation, que ton Père Céleste a permis, que tu saches qu'il est là à tes côtés. Et même si tu ne vois rien, n'oublie jamais qu'il t'aime. L'assurance dans l'amour de Dieu ne doit pas dépendre de ce que nous voyons ou de ce que nous vivons, mais de ce que nous savons. Nous savons qu'il nous aime. Et j'aimerais te proposer, en fait, de prendre les choses en main. Je sais à quel point l'épreuve peut casser. Je sais à quel point l'épreuve peut nous dénaturer. À quel point, si nous ne nous ancrons pas à Christ, si nous ne nous attachons pas à Christ, l'épreuve peut nous éloigner de Dieu. Alors je te propose quelques actions pratiques, concrètes à mettre en place, mais qui vont te demander énormément de travail sur toi-même. La première des choses, c'est de cesser de te voir en victime. Cesse de te voir comme une victime. Une victime, c'est généralement quelqu'un qui subit une situation douloureuse ou inconfortable. Son pouvoir y changer, quoi que ce soit, son pouvoir y changer grand chose. Mais tu sais quoi, en Christ, tu es plus que vainqueur et tu as l'autorité de Christ en toi. Tu as le pouvoir de commander aux circonstances de ta vie. Tu as le pouvoir d'ordonner aux montagnes de sauter de ton chemin, de sauter de ta vie. Tu as le pouvoir d'aplanir les collines, le pouvoir de transformer les déserts arides en sources d'eau vive. Alléluia! Tu as l'autorité, tu as le pouvoir de Dieu. Les sources d'eau vive coulent à flot en toi. J'aimerais que tu prennes conscience de ton identité en Christ. Et que tu comprennes que tu n'es pas une victime. Il est mort à la croix pour toi. Il t'a racheté du pouvoir du péché. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus une esclave. Change de mentalité. Change de mindset. C'est fini tout ça. Ce n'est qu'en prenant conscience de qui tu es en Christ que ta vision des choses pourra changer et que tu pourras surmonter ce que tu vis actuellement. Que tu pourras voir la leçon. Que tu pourras voir là où Dieu veut t'emmener. Que tu pourras le laisser te briser dans l'épreuve. La seconde chose que j'aimerais dire, c'est de cesser de t'apitoyer sur toi-même. Oh oui, je sais. Je n'ai aucune idée de ce que tu traverses ou de ce que tu as vécu. On t'a profondément blessé. Tu as vécu des choses graves. Je sais que tu as mal profondément. Et sincèrement, moi, je ne le sais pas. Et même si je compatis, et même si j'imagine, je ne connaîtrai jamais totalement et intimement la douleur et la particularité de ce que tu traverses. Mais Dieu t'aime et Dieu lui connaît ces choses-là. Je te prie vraiment de ne pas t'apitoyer sur toi-même. Tu t'empêches d'avancer, tu t'empêches de guérir, tu t'empêches de t'épanouir. Commence par parler et par dire des choses bien sur toi. Commence par confesser ton identité en Christ. Commence par confesser ces belles choses, ces projets de paix que le Seigneur a pour toi. Commence par le voir avec les yeux de l'amour. Commence par le chercher réellement, non pas pour ce qu'il t'apporte, mais pour qui il est vraiment. Et tu verras que tu perdras cette envie de t'apitoyer sur toi-même et ta vision de toi-même va changer. La troisième chose, c'est ne t'enferme pas. La douleur a ce pouvoir-là de rendre l'homme insensible au monde autour de lui, de le couper de tout. Et de lui faire voir la vie au travers du miroir de ses douleurs, de ses expériences. Si vous avez été blessé par un homme une fois, deux fois, vous aurez tendance à étiqueter les hommes. Vous aurez tendance à les voir comme tel ou tel. Pourvu que vous trouviez un petit acte ou quelque chose que la personne qui vous a blessé a fait, vous aurez tendance à voir les personnes qui ont ces caractéristiques-là de cette façon-là. Et c'est le danger avec la douleur que cause l'épreuve. Et vraiment, cela est dangereux. Parce que ça vous coupe de tout. Ça vous coupe de toute aide. Ça fausse votre vision des choses. Vous vous retrouvez à ne penser qu'à vous, qu'à vos désirs. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne ne veut pas dire s'enfermer sur soi-même, non. La vie chrétienne nous demande de nous ouvrir aux autres. Mais de faire de Christ la base, la source, le point d'ancre, le fondement de notre vie. Alors au lieu de t'enfermer, je te propose de plonger dans la parole et de te laisser vivre. Quand la douleur en toi te pousse à rentrer et à fermer ta porte à clé, lève-toi et va à l'église. Fais quelque chose de bien. Fais quelque chose que le Seigneur approuverait, quelque chose qui te fait du bien. Résiste à cette tendance-là et tu verras que le secours, la lumière, peut-être la solution, l'aide viendra de quelqu'un d'une façon que tu ne comprendras pas, mais elle viendra. Ces quatre actions que je viens de citer te permettront de voir la vie telle qu'elle est, sans l'embellir, sans l'amplifier ou sans la minimiser. Ça te permettra de voir la situation dans laquelle tu es, telle qu'elle est réellement, et de pouvoir agir ainsi à sa juste mesure. Maintenant, concrètement, j'aimerais te donner trois recommandations. Encore. J'aimerais te dire ceci. Parfois, nous nous attendons tellement à Dieu que nous attendons qu'il fasse tout pour nous. Mais retiens ceci. Tu dois faire le possible et laisser à Dieu l'impossible. L'impossible appartient à Dieu et à toi le possible. Si tu cherches un emploi, par exemple, tu vas envoyer des CV. Tu vas peut-être te déplacer vers les entreprises qui recrutent. Tu vas commencer par passer le mot autour de toi. Tu vas rester en alerte. Tu vas consulter les annonces. Tu vas faire tout ce qui est en ton pouvoir, tout ce qui est humainement possible, en fait, dans le plan de Dieu, dans la volonté divine, pour trouver ton boulot. À moins que le Seigneur ne te donne une stratégie particulière. Ça, c'est un autre cas là qui ne rentre pas dans ce que je viens de préciser. Donc, il faut que tu poses des actions concrètes et tu peux demander l'aide du Seigneur. Tu peux demander au Saint-Esprit de te guider dans l'action concrète à poser. Parce que parfois, nous vivons des choses et il suffit peut-être que nous posions une action pour que toute la situation change. Une petite action ou peut-être une grande action et les choses changent. J'aimerais également te demander d'être patient. Dieu agit par saison et sa façon de penser est définitivement éloignée des nôtres. Oh oui. Mais il agit et il agira toujours en ta faveur. Et même dans l'obscurité la plus profonde, il est toujours avec toi. Et cela que tu en aies conscience ou pas, que tu sois d'accord ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu doutes ou pas, il est là avec toi. Alors sois patiente, parce que son temps est le meilleur. Quelqu'un qui te connaît aussi intimement, qui t'aime plus que toi-même, qui a formé des projets pour toi, des projets de paix avant de te faire venir dans ce monde-là, ne peut pas aimer te voir souffrir. Quand Dieu nous fait patienter, c'est toujours pour une bonne raison. Il n'est jamais en retard. Il est rarement à l'avance, alors fais-lui confiance et laisse-le te faire passer par le long chemin au lieu du détour auquel toi tu penses, au lieu du raccourci auquel toi tu penses. Il est omniscient, il connaît toutes choses, il ne peut pas se tromper. Les alternatives que tu lui proposes ne sont pas mieux que ce qu'il te propose. Il connaît toutes choses, sois patient et fais-lui confiance. Demande de l'aide. Si tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau, tu te sens submergé, tu penses que c'est la fin, il y a des pensées qui te traversent la tête, je t'invite à parler avec quelqu'un de confiance dans ton entourage, à l'église ou ailleurs. Demande au Seigneur de te guider vers la bonne personne. Vraiment, demande-le au Seigneur, c'est très important. Implique-le et laisse-toi aimer, entouré. Si tu ressens le besoin, l'envie, si tu veux creuser davantage, tu peux également m'écrire à contact@pensedegloire.com. Je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. Pour finir, j'aimerais dire ceci. Peut-être que tu écoutes ce podcast et tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu ne comprends pas pourquoi je parle autant de lui et pourquoi je dis qu'il est la solution au problème que tu traverses. Pourquoi je parle de cette façon de lui, tu ne comprends pas vraiment. Je t'invite à l'inviter dans ton cœur par une prière tout simple. Mais si tu le fais de tout ton cœur, je peux t'assurer qu'il viendra à toi. Il va se révéler à toi. Parce que c'est une personne. Christ est une personne. C'est mon Seigneur. C'est mon Sauveur. C'est mon meilleur ami. C'est l'époux de mon cœur. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et j'ai appris à faire de lui ma tête. J'ai appris à me soumettre à lui. Je peux t'assurer que c'est quelque chose que je ne regrette pas et que je ne regretterai jamais. La vie chrétienne n'est pas aussi bizarre que ce que tu crois. Alors je t'invite à faire cette prière. Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi et je veux te connaître. Je ne sais pas qui tu es, mais révèle-toi à moi. Je crois que tu peux faire quelque chose dans ma situation. Je t'invite dans mon cœur. Viens, je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Jésus-Christ de Nazareth, sois mon Sauveur personnel. Je renonce de tout mon cœur au péché, à tout ce qui ne vient pas de toi. Oh, pardonne-moi mes fautes et lave-moi de mon iniquité. Oui. Je crois que je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, afin qu'il me guide, qu'il m'aide, qu'il me conseille en tout. Saint-Esprit, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, de m'avoir sauvé et donné la vie éternelle. Au nom de Jésus, amen. Si vous venez de faire cette prière-là, écrivez-moi. Écrivez-moi. C'est vraiment important pour moi. Écrivez-moi. Afin que nous puissions nous réjouir ensemble, oui, mais afin que je puisse être là pour vous. C'est vraiment important. Et si vous désirez télécharger le questionnaire, vous pouvez m'écrire à contact@pensedegloire.com. Vous venez d'écouter le podcast Exhorter les saints. Notre prière est que vous soyez bénis, encouragés, édifiés et exhortés par ce contenu. Pour plus d'informations, veuillez visiter le www.pensedegloire.com. www.pensedegloire.com. D'ici à la prochaine, soyez richement bénis.